Bonjour, je peux vous aider ? Je voudrais le DVD du film de Woody Allen, Minuit à Paris. Vous l'avez ? Oui, bien sûr. Vous allez trouver ça derrière vous, dans la section comédie. Très bien, merci. À quel étage est le matériel informatique, s'il vous plaît ? Au sous-sol, madame.